C'était une fois un cheval qui vivait dans une ferme. Un jour, il décide d'y aller se promener dans la forêt. Il y a deux pointus, le gros loup gris. Tu vois le cheval. Il veut le manger. Le cheval se sauve. Il retourne dans la ferme pour trouver ses amis animaux.